بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 7 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman. Sharh Usul al-Iman, c'est l'explication du livre des fondements de la foi écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et avec l'explication de Cheikh Salah al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, et c'est sur les fondements de la foi. Donc, il y a différents piliers de la foi qui sont traités dans ce livre. Et on est toujours dans les fondements, le premier des fondements qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le premier pilier de la foi. Et le Cheikh, il mentionne donc des hadiths qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah. Donc le chapitre qu'on lit maintenant, c'est celui qui s'intitule « Ma ja'a fi ithbati sifati rahmati lillahi ta'ala » c'est-à-dire ce qui a été ramené au sujet de l'affirmation de l'attribut de la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez que parmi les gens de Bid'a, il y en a qui rejettent ou qui refusent d'affirmer l'attribut de la miséricorde. Hein? Donc les Jahmiyyah et les Mu'tazila, ils ne croient pas en l'attribut de Ar-Rahma. De même qu'ils ne croient pas aux autres attributs également. Et parmi les groupes de Bid'a, il y a ceux qui s'appellent les Asha'ira ou bien les Maturidiyah. Ces deux groupes, et eux aussi, renient cet attribut. Et ou bien ils la déforment en disant que c'est la volonté d'Allah de faire le bien. Donc ils disent c'est pas la rahma, mais c'est iradatul khair, hein, ou iradatul in'am, ou des choses comme ça. Donc c'est une façon de déformer le sens de l'attribut. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la rahma, c'est quelque chose qui ne convient pas à Allah, comme si c'était quelque chose qui était une forme d'imperfection ou qui rabaisse Allah, alors que la miséricorde d'Allah, c'est une de ses plus grandes attributs. Et même qu'il a plusieurs noms dans ce qu'il a mentionné parmi ses noms qui découlent justement de cet attribut-là. Et c'est les deux noms qui sont souvent mentionnés presque dans chaque... avant de réciter chaque sourate, on dit « Bismillahirrahmanirrahim ». Et « Ar-Rahman » et « Ar-Rahim », ce sont deux noms qui viennent ou qui découlent de cet attribut de Ar-Rahma, qui est la miséricorde. Et il faut savoir que la miséricorde d'Allah n'est pas comparable à la miséricorde des créatures. Hein, parce que la miséricorde d'Allah, elle est parfaite, elle est complète. Et par conséquent, elle n'est pas comme celle des êtres humains, des créatures. Et le Cheikh, il explique justement ici, il cite un hadith, il dit « Walahuma » yani al-Bukhari wa Muslim عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هواز فإذا امرأة من السبي يعني تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Ça, c'est un hadith vraiment, mashallah, yani, quand tu le lis, tu vois franchement à quel point la miséricorde d'Allah, elle est immense. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il dit que on a ramené au messager d'Allah les prisonniers de Hawazin. Et Hawazin, c'est une tribu parmi les tribus des Arabes. Et c'est ceux qui étaient, je pense, dans la bataille de Hunayn. Donc on a ramené les prisonniers, les femmes et les enfants, et on les a ramenés. Et pendant que ils les ont ramenés, il y avait une femme qui marchait comme ça, parmi les prisonniers, parmi les gens, puis elle a trouvé un enfant. Hein? Elle a vu un enfant. C'était probablement son enfant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle l'a trouvé? Elle l'a collé sur son ventre et elle l'a allaité. Hein? Elle l'a trouvé, elle l'a collé sur elle, puis elle s'est mise à l'allaiter, le bébé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, voyez-vous cette femme? Et pensez-vous que cette femme, elle jetterait son enfant dans le feu? Alors les sahaba ont dit, non, par Allah, elle ne ferait jamais une chose pareille. Hein? Une femme ne jetterait jamais son bébé dans le feu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Donc ça nous montre en réalité la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et ses créatures. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là et il dit « هذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وأن رحمته أشد من رحمة الوالدة بولدها إذ ليس هناك من الخلق أرحم من الوالدة بولدها والله جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها فرحمته سبحانه وتعالى عظيمة شديدة. Donc ici le cheikh il dit que donc dans ce hadith il y a l'affirmation de l'attribut de la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala et que sa miséricorde est plus forte que la miséricorde de la mère pour son enfant. Et parce qu'il n'y a pas de, parmi les, quand on regarde les créatures, il n'y a pas une miséricorde plus grande que la miséricorde d'une femme ou d'une mère pour son bébé, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est plus grande pour ses serviteurs que la miséricorde de la mère envers son bébé. Ça veut dire que sa miséricorde, elle est immense et elle est extrêmement forte. Ensuite, il dit وَقَوْلُهُ بِسَبْيِ هَوَازِنْ هَوَازِنْ هِيَ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَتُسَمَّ الْآنَ عُتَيْبَةٌ وَقِصَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ عَامَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَدَخَلَتْ قُرَيْشِ فِي طَاعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَتْ هَوَازِنْ تُقِيمُ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ فخشوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم فاجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك فجهز الجيش من الذين جاءوا معه من المدينة ومن أهل مكة الذين أسلموا عام الفتح فخرج معه صلى الله عليه وسلم جيش عظيم والتقى الفريقان في وادي حنين. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh explique que les prisonniers donc de Hawazin, c'est une tribu connue. Aujourd'hui, on l'appelle la tribu de Utayba. Donc souvent quand vous allez voir par exemple on parle de quelqu'un, on dit hein, qu'il vient de la tribu de Utayba, on va dire Al-Utaybi. Ça veut dire qu'il vient de la tribu de Utayba, qui est à la base la tribu de Hawazin. D'accord? Et leur histoire, c'est quoi? C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conquis la Mecque, dans la 8e année après la Hijra, et que Quraysh est rentré sous son obéissance, Hawazin, qui était pas loin de Mecca, ils ont décidé, ils ont eu peur que le messager sallallahu alayhi wa sallam les attaque. Alors ils se sont réunis pour combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il soit attaqué. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ça, il a préparé un grand armée de ceux qui étaient venus avec lui de Médine et de ceux qui étaient à Mecca qui venaient de se convertir à l'islam dans cette année de la conquête, et ils sont tous sortis ensemble avec une immense armée pour se diriger vers Hawazin. Et les deux groupes se sont rencontrés dans la vallée de Hunayn. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette bataille la bataille de Hunayn. Après, il dit « وَحَصَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ضِيقٌ شَدِيدٌ بَعْدَمَا كَانُوا مُعْجَبِينَ مِنْ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ قَالَ تَعَالَى وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ولم يتزحزح من مكانه وجعل ينادي المسلمين حين عمه العباس حين أمر عمه العباس أن ينادي بصوته الجوهري فنادى المسلمين بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد المسلمون والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دارت المعركة من جديد فنصر الله المسلمين وغنموا أموال هوازن ونساءها وأطفالها لأن هوازن جاءت بأموالها ونسائها وأطفالها إلى أرض المعركة فصارت غنيمة للمسلمين سبحان الله. Donc ici le cheikh il explique, il dit que les musulmans au début dans cette, quand ils sont allés à Hunayn pour cette bataille, au tout début ils ont eu une grande difficulté parce que au début ils étaient éblouis par leur quantité et leur nombre. Ils ont dit on est tellement une grande armée, on ne pourrait jamais être écrasé par personne. Et en disant ça, c'est comme si en réalité, il disait, notre nombre est tellement grand qu'on ne peut pas perdre. Or, la victoire ne vient que d'Allah. Peu importe le nombre que vous êtes, vous ne pouvez pas avoir la victoire sans la permission d'Allah. Et donc, il faut mettre la confiance en Allah, même si on est un grand nombre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré cela de façon claire et que ce soit, en fait, pour que ce soit une leçon pour eux et pour qu'ils apprennent de cet exemple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, leur a donné la victoire, justement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne cet événement dans le verset 25 dans Surat At-Tawbah. Lorsqu'il dit ce qui signifie « Et le jour de Hunayn, lorsque vous avez été éblouis par votre quantité, votre grande quantité, et cela ne vous a servi en rien, ou ne vous a profité en rien, et la terre est devenue étroite, malgré qu'elle est vaste, elle est devenue étroite pour vous à ce moment-là, puis vous avez tourné le dos, vous êtes parti à la fuite. » Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, est resté ferme. Il ne s'est pas laissé déplacer de sa place. Il n'a pas rebroussé chemin. Il est resté là et il a appelé tous les musulmans et il a demandé à son oncle, Al-Abbas, d'appeler avec sa grosse voix pour que les gens reviennent. Et à ce moment-là, quand ils ont entendu l'appel du messager, ils se sont tous retournés et ils se sont tous mis autour du messager d'Allah. Puis la bataille a repris à nouveau. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Et ils ont gagné plein de butins ce jour-là. Et ils ont également gagné en butin les femmes et les enfants qu'ils avaient amenés. Parce que Hawazin, et ça c'était la culture et la tradition des Arabes à l'époque, lorsqu'ils partaient en guerre, ils n'allaient pas seulement avec leurs armes et leur matériel, ils partaient avec toute leur richesse et ils amenaient leurs femmes et leurs enfants aussi. Ils amenaient leurs femmes et leurs enfants pour les motiver et pour les encourager. Et en même temps, parce que quand leur femme était là, ils ne voulaient pas perdre la face devant les femmes, alors ça les poussait à faire plus d'efforts dans le combat pour essayer justement d'avoir la victoire. Sauf que ça ne les a pas servis en quoi que ce soit, et leurs femmes et leurs enfants sont devenus des butins de guerre pour les musulmans. Le cheikh, il dit ensuite, فَلَمَّا انْتَهَتْ الْمَعْرَكَةِ وَغَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مَغَانِمَ هَوَازِنْ وَجُمِعَتْ هَذِهِ الْغَنَائِمِ رأى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة مسرعة تجوب العسكر مشفقة تبحث عن ولدها فلما رأته أخذته فألزقته ببطنها وجعلت ترضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا لا والله فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها فهذا فيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وأنها أرحم من رحمة الوالدة بولدها لكن هذا لمن تسبب في طلب الرحمة وأما من ضيع العمل من ضيع العمل الصالح وعصى الله عز وجل وكفر به فقد فرط وضيع نفسه وأما من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بأسباب الرحمة فإن الله جل وعلا أشد رحمة به من هذه المرأة بولدها. Donc ici le cheikh il explique que lorsque la bataille donc a été terminée et que les musulmans ont pris les butins de guerre de la tribu de Hawazin, on a réuni ces butins. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a trouvé qu'il y avait une des femmes qui marchait rapidement. Elle se promenait parmi les soldats et elle avait peur, elle cherchait son enfant. Puis lorsqu'elle l'a vu, elle l'a attrapé et elle l'a collé sur son ventre. Et puis elle s'est mise à l'allaiter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, « Voyez-vous que cette femme jetterait son enfant dans le feu ?» Ils ont dit, « Non, par Allah. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Cette femme, vous la voyez comme ça, eh bien sachez que Allah, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. » Il y a donc ici l'affirmation de l'attribut de la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala et également le fait qu'il est plus miséricordieux que la mère envers son enfant. Mais il explique un point qui est très important par rapport à ça. Il dit toutefois, ça c'est uniquement pour celui qui a fait les causes et qui a recherché la miséricorde. Tandis que celui qui a délaissé les bonnes œuvres, et qui a désobéi à Allah, et qui a renié la foi en lui, et qui a négligé, et qui s'est perdu lui-même, eh bien lui, il n'aura pas droit à cette miséricorde-là. Tandis que celui qui a obéi à Allah, et qui a obéi à son messager, et qui a fait les causes pour mériter cette miséricorde-là, eh bien, certes, Allah sera plus miséricordieux envers lui que cette femme envers son enfant. Donc ça, c'est un point qui est très important à comprendre dans la miséricorde, c'est que pour l'obtenir d'Allah, il faut la mériter. Et pour mériter cette miséricorde, il faut justement croire en Allah et faire les bonnes œuvres et obéir à Allah et à son messager. Sinon, on n'aura pas droit à cette miséricorde. Et le cheikh, il dit ensuite, il mentionne un autre chapitre. Mada sa'atu rahmatillah. C'est-à-dire, la grandeur, Mada sa'atu rahmatillah. C'est-à-dire, si on traduit dans le sens, qu'est-ce que ça signifie? C'est dire, jusqu'à quel point la grandeur d'Allah est grande. À quel point la grandeur d'Allah est grande. C'est ça que ça signifie. Ici, le cheikh, il cite un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري. Ça là c'est un hadith ici qui est rapporté par Al-Bukhari, donc c'est un hadith authentique et il est également rapporté par l'imam Muslim. Et c'est un hadith merveilleux en réalité, rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah a créé la création, il a écrit dans un livre qui est auprès de lui au-dessus du trône. Donc il y a dans ce hadith la preuve et l'affirmation que Allah est au-dessus de son trône. Donc il a écrit dans un livre qui est auprès de lui au-dessus du trône, certes ma miséricorde a pris le dessus ou a devancé ma colère. Wa alaykoum as-salam. Donc le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit dans un livre auprès de lui au-dessus du trône, et c'est écrit dans ce livre, ma miséricorde a le dessus sur ma colère. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. C'est un hadith vraiment important. Il dit, قوله لما خلق الله الخلق يعني فرغ من خلق الخلق السماوات والأرض والمخلوقات كلها يعني خلق كل المخلوقات كلها وكما قال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وجاء تفصيل خلقه في هذه الستة يعني في هذه الستة الأيام في سورة فصلت قل أنبئكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات فلما خلق الخلق سبحانه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش كما جاء في الحديث والمقصود بالكتاب كتاب القضاء والقدر وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في غيره أيضا مما شاء الله سبحانه وتعالى فما من شيء إلا وهو مكتوب وهذه الكتابة بعد خلق السماوات والأرض وهذه الكتابة غير الكتابة العامة في اللوح المحفوظ لأن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ كانت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمس ألف سنة وإنما هذه الكتابة المذكورة في هذا الحديث كاتبة أو كتابة خاصة. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque Allah a créé la création, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé de créer la création, il a créé les cieux et la terre et toutes les créatures. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 54 dans Surat Al-A'raf, il dit il dit ce qui signifie, il a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé sur le trône. Et les détails de la création dans ces six jours a été mentionné dans Surat Fussilat, dans le début. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. Dit, est-ce que vous reniez la foi en celui qui a créé la terre en deux jours? Et il y a les détails dans le reste des versets qui suit. Et lorsqu'il a terminé de créer, donc il a écrit dans un livre qui est auprès de lui, au-dessus du trône, comme c'est mentionné dans le hadith. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ce livre? C'est quoi ce livre? Il dit c'est le livre du décret de la prédestination, le livre du qadar, al-qada'u wal-qadar. Et il y a donc dans ce hadith la foi en la prédestination. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit dans la table préservée. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il a dit, donc qu'il a tout écrit dans la table préservée, ce qui allait se produire dans le monde. Et il dit que ça, c'est un autre écrit. Il y a d'autres écrits parmi les choses que Allah a voulu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien excepté que Allah l'a écrit. Et cette écriture, elle était avant la création des cieux et de la terre. Et cet écrit-là, dont on parle, cette écriture-là, dont on parle maintenant, quand il a écrit que sa miséricorde devance sa colère, eh bien, ça, c'est un écrit qui est particulier. C'est différent de l'écriture qui est dans la table préservée. Pourquoi? Parce que cette écriture-là, elle est venue après qu'il ait créé les cieux et la terre. Tandis que la table préservée, tout ce qui a été écrit dedans, c'était avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant. Donc c'est un écrit différent. C'est un écrit particulier. Ensuite, il dit, فقوله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب هذا فيه إثبات الكتابة وأنها من أفعال الله جل وعلا. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a écrit dans un livre auprès de lui, eh bien il y a l'affirmation de l'écriture. Et que Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses actions, il y a l'écriture. وقوله عنده فوق العرش العرش هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى وهو أعظم المخلوقات وأعلاها وأعظمها فهو عرش عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى والعرش في الأصل السرير الذي يجلس عليه الملك والمراد به هذا المخلوق العظيم الذي استوى الله جل وعلا عليه وهذا فيه إثبات العلو لله واستواءه على العرش والإيمان به لأن الإيمان اختص هذا الكتاب عنده فإذا كان عنده فهذا يدل على أن هذا الكتاب في مكان قريب من الله سبحانه وتعالى وليس المراد بقوله عنده أنه في ملكه لأن كل المخلوقات في ملكه ولكنه اختص بعض الأشياء بأنها عنده مثل بعض الملائكة المقربين قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته فخص بعض الأشياء بأنها عنده مقربة وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que ce livre il est auprès de lui, auprès de son trône, au-dessus du trône. Donc quand on parle du trône en arabe on dit al-arsh et al-arsh c'est le arsh de ar-Rahman, le arsh d'Allah, le trône d'Allah. Et c'est la plus grande de toutes les créatures et la plus élevée de toutes les créatures et la plus immense de toutes les créatures. Donc c'est un trône immense. Personne ne connaît sa grandeur excepté Allah. Et le trône, à la base, c'est le lit sur lequel s'assoit le roi. Hein? Le lit ou la chose sur laquelle s'assoit le roi. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le trône ici? C'est une créature immense sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé. Et ça, il y a dans ça l'affirmation de l'élévation d'Allah et le fait qu'il s'est élevé sur le trône. Bien entendu, on doit croire en cela de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de ressemblance entre Allah et ses créatures. Parce que les gens de Bid'a, ils refusent d'affirmer cette réalité. Le cheikh il dit ensuite que ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce livre-là auprès de lui, proche de lui. Puisqu'il dit « indahu » auprès de lui. Et quand il dit « près de lui », ça ne veut pas dire dans son royaume ou dans sa création. Mais parce que toutes ces créatures sont dans sa création et dans son royaume. Mais il dit « indahu » dans le sens de quelque chose qui est particulier et qui est particulièrement proche de lui et rapproché de lui. Comme certains de ses anges qui sont rapprochés. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19 dans Surah Al-Anbiya, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. Donc, il dit dans le verset 19 dans Surah Al-Anbiya, et ceux qui sont auprès de lui ne s'enflent pas d'orgueil de l'adorer ou de son adoration. Donc, il a spécifié que certaines choses sont proches de lui, rapprochées de lui. C'est quelque chose qui indique l'importance de ce livre et de son statut auprès d'Allah, puisqu'il est proche d'Allah. وَمَضْمُونُ هَذَا الْكِتَابِ مَا عَبَّرَ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي هَذَا فِيهِ وَصْفُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِهَاتَيْنَ الصِّفَتَيْنِ الرَّحْمَةُ وَالْغَضَبُ وَهَذَا مِنْ صِفَاتِ أَفْعَالِهِ جَلَّ وَعَلَى فَهِيَ صِفَاتٌ فِعْلِيَّةٌ يَرْحَمُ إِذَا شَاءَ وَيَغْضَبُ إِذَا شَاءَ فَهُمَا صِفَاتٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَلْقِيَانِ بِجَلَالِهِ أو تليقان نعم تليقان بجلاله رحمته ليست كرحمة المخلوق ولا غضبه كغضب المخلوق وإنما هما صفتان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, le contenu de ce livre, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé lorsqu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans ce livre, ma miséricorde a pris le dessus ou a devancé ma colère. Et il y a donc dans cette description, dans cette parole, une description d'Allah comme ayant ces deux caractéristiques et ces deux attributs. L'attribut de la miséricorde et l'attribut de la colère. Et le cheikh, il explique que ça fait partie de ses attributs d'action, c'est-à-dire les actions d'Allah. Donc, ce sont des attributs d'action. Il fait miséricorde à qui il veut et il est en colère lorsqu'il veut. Donc, il fait miséricorde quand il veut et il est en colère quand il veut. Et ce sont deux attributs parmi les attributs d'Allah qui conviennent à sa majesté et sa miséricorde n'est pas comparable à la miséricorde des créatures et sa colère n'est pas comparable non plus à la colère des créatures. Mais ce sont deux attributs qui correspondent à la majesté d'Allah et à sa perfection. Donc la colère d'Allah, elle est parfaite. Et la miséricorde d'Allah, elle est parfaite. Contrairement à la miséricorde des créatures et à la colère des créatures. Dans la miséricorde des créatures, il peut parfois y avoir de la faiblesse. Il peut parfois y avoir de la lâcheté. Il peut parfois y avoir de la peur. Il peut parfois y avoir toutes sortes d'imperfections. Et dans la colère des créatures, il peut y avoir de l'injustice. Il peut y avoir toutes sortes d'autres imperfections aussi. La colère d'Allah, elle est parfaite. Et elle correspond à sa perfection et à sa majesté, à sa grandeur. Et la même chose pour sa miséricorde. Tous les attributs que Allah possède sont des attributs de perfection seulement. Et il n'y a aucune forme d'imperfection ou aucun défaut dans les attributs d'Allah et dans ses noms. Le cheikh dit ensuite, « وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّحْمَةَ سَبَقَتِ الْغَضَبِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْحَمَ عِبَادَهُ إِذَا هُمْ فَعَلُوا الْأَسْبَابَ الَّتِي تُسَبِّبُ الرَّحْمَةِ أَمَّا إِذَا فَعَلُوا مُجِبَاتِ الْغَضَبِ وَأَسْبَابَهُ كَالْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَغْضَبُ عَلَيْهِمْ فَالرَّحْمَةُ لَهَا أَسْبَابُ وَالْغَضَبُ كَذَلِكَ فَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ سبب لرحمة الله قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وللغضب أسبابه كالكفر والشرك والمعاصي، فإن ذلك كله مما يغضب الله جل وعلا. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith il y a la mention que la miséricorde d'Allah a devancé sa colère. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime faire miséricorde à ses serviteurs lorsque ses serviteurs ont fait les causes qui fait qu'ils méritent cette miséricorde. Donc la miséricorde d'Allah, pour l'obtenir, il faut faire les causes. Et lorsqu'ils font les choses qui font partie des causes de la colère d'Allah, comme les péchés, comme le fait de contredire les enseignements et les ordres d'Allah et de son messager, eh bien ça amène qu'ils reçoivent la colère d'Allah. Hein? Comme Yahoud, les Juifs, il dit qu'ils sont al-mardoub alayhim. Hein? Ghayr al-mardoubi alayhim. C'est-à-dire, guide-nous au droit chemin, non pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Ce sont les Juifs. Et dans d'autres versets, il dit « وَرَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ » Il s'est mis en colère contre eux et il les a maudits. Donc, il y a beaucoup d'autres versets comme ça. « ضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ » Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui mentionnent la colère d'Allah pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui désobéissent à Allah alors qu'ils savent. Ils ont la connaissance, mais ils désobéissent sciemment aux ordres d'Allah. Masallallahu alayhi wa sallam. Après, le cheikh, il dit, donc, la miséricorde, pour l'obtenir, il y a des causes à respecter. Et pour éviter la colère d'Allah, il y a des choses à éviter. Et donc, les bonnes œuvres sont une cause pour la miséricorde. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 56 dans Sourate Al-A'raf, certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Al-Muhsinin, ceux qui ont Al-Ihsan, qui adorent Allah avec perfectionnement dans leurs adorations. Et la colère d'Allah, elle a également des causes. Comme par exemple la mécréance. Le fait d'adorer d'autres avec Allah et de faire du shirk, ou de désobéir à Allah et à son messager, hein, en faisant des péchés ou en faisant des bid'ah. Donc tout ça font partie des choses qui amènent la colère d'Allah. Le cheikh il dit ensuite, « وَفِي الْحَدِيثِ كَذَلِكَ بَيَانَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرْحَمَ عِبَادَهُ ولا يحب أن يعذبهم وهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى على عباده إلا إذا تركوا أسباب الرحمة وفعلوا أسباب الغضب فهم الذين جنوا على أنفسهم وهو سبحانه لا يعذب أحدا وهو ظالم له أو بدون سبب وإنما يعذب على أسباب تقتضي الغضب منه سبحانه وتعالى وهي الكفر والشرك والنفاق والمعاصي ولكن الله يحب أن يعفو وأن يغفر إذا ما تاب العباد إليه وأنابوا واستغفروا فإنه سبحانه وتعالى يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم وهذا أحب إليه سبحانه وتعالى لأنه عفو يحب العفو كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فهذا من كرمه وجوده جل وعلا وإلا فهو ليس بحاجة إلى عباده بل هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى وهو يحب لهم ما يصلحهم ويحب أن يتوب عليهم ويغفر لهم وينعمهم بالجنة إذا هم تقربوا وتابوا إليه واستغفروه. ولذلك حث عباده على التوبة والاستغفار، ونهاهم عن المعاصي وأمرهم بالطاعات، وكل ذلك من لطفه سبحانه وتعالى ومن محبته للمغفرة وللعفو، وهو من صفاته سبحانه وتعالى العظيمة. Donc le cheikh, il termine cette explication-là avec ce point, et nous on va s'arrêter avec ça. Après, à la fin, c'est-à-dire qu'on va terminer ça, puis après on va s'arrêter. Le cheikh, il dit que ce hadith, il explique également que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime faire la miséricorde à ses serviteurs. Et il n'aime pas les châtier. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas châtier les serviteurs. Il aime leur faire miséricorde. Et ça fait partie de la grâce d'Allah et de sa générosité envers ses serviteurs. Sauf s'ils ont délaissé les causes de sa miséricorde et qu'ils ont fait les causes pour obtenir sa colère. Alors, ils se sont fait une injustice et un tort à eux-mêmes en agissant ainsi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas châtier quelqu'un alors qu'il est injuste envers lui, ou bien sans qu'il y ait une cause. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il châtie uniquement selon les causes qui ont impliqué sa colère. Hein? Comme par exemple la mécréance, le shirk, le nifaq, l'hypocrisie, al-ma'asi, hein? Les désobéissances et les péchés. Il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le pardon et il aime pardonner. Lorsque son serviteur désobéit, il aime que son serviteur se repente à lui et qu'il revienne à lui repentant et qu'il demande pardon à son créateur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance de son serviteur et il lui pardonne ses péchés. Et c'est quelque chose qu'il aime faire. Parce que il est pardon lui-même. Et il aime le pardon. Comme c'est mentionné dans l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, selon Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle dit, par exemple, dans la nuit de la destinée, Laylatul Qadr, qu'est-ce qu'on doit dire au messager d'Allah pendant cette nuit-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dois dire, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. Ou, innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es le pardon et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Hein, tu es pardon, alors yani, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et ça fait partie de sa générosité envers ses serviteurs. Parce que lui, il n'a pas besoin de ses serviteurs, il n'a pas besoin de leur adoration, il n'a besoin de rien de leur part. C'est eux qui ont besoin de lui. Et lui, il aime faire ce qui est bon pour eux. Et il aime revenir vers eux pour accepter leur repentance lorsqu'ils demandent pardon. Et il aime leur pardonner et couvrir leurs péchés. Et il aime leur donner de sa grâce et de les faire rentrer au paradis lorsqu'ils ont cherché le moyen de s'en rapprocher. Et lorsqu'ils se sont repentis et lorsqu'ils ont demandé pardon. Parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre qu'il n'a jamais péché. Il n'y a personne qui peut prétendre et dire, moi j'ai jamais désobéi et j'ai jamais fait aucun péché. Personne ne peut prétendre ça. Donc la seule porte qui est ouverte pour nous, si on veut sa miséricorde, c'est de demander pardon. Et de se repentir à lui. C'est la seule façon. Hein? Donc il faut se repentir. Et c'est pour cette raison qu'il incite ses serviteurs à la repentance et à demander pardon, et qu'il leur interdit les péchés et la désobéissance, et qu'il leur ordonne l'obéissance. Tout cela fait partie de sa douceur et de son amour pour le pardon et pour la miséricorde. qui sont de ses attributs hein, à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont des attributs extrêmement grandes et importantes. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite de l'explication de ces hadiths qui parlent de la miséricorde d'Allah dans le prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته